see this now. Shall be done for them of my father, which is your father. For where two or three are gathered together in my name, there I am I in the midst of them. Praise the Lord. Hallelujah. We have to believe that he is here right now. Wir sollten glauben, dass hier ist. On doit croire qu'il est vraiment ici maintenant. Amen. We never gathered in another name. Wir versammeln uns niemals in einem anderen Namen. On se rassemble jamais dans un autre nom. Any gathering is either Christ or Satan. Jede Versammlung ist entweder Christus oder Satan. Et chaque ensemble est soit basé sur le Christ ou le diable. Amen. Amen. People, you gather in a family's name. Selbst wenn du dich im Namen der Familie versammelst. Your natural family. Der Name deiner natürlichen Familie. Et même si quand tu es nu au nom de la famille naturelle. Amen. Amen. It is the gathering that is of Satan. Es ist dennoch die Versammlung des Satans. C'est l'assemblée du diable. Amen. Amen. It is the gathering of Christ alone. For my sake and the gospel's sake. Die Versammlung von Christus allein die zählt. Mais à l'union de Jésus-Christ, c'est la seule chose qui compte. Amen. Amen. Anytime you gather, somebody will be there. Wenn wir uns versammeln, wird irgendjemand da sein. Et toujours quand tu te rassembles avec quelqu'un sera aussi là. Is it that Christ or Satan? Entweder Christus oder der Satan. Soit c'est Jésus-Christ ou le diable. Learn to gather in Christ's name alone. Lerne dich nur im Namen von Christus Jesus zu versammeln. Et apprends de te rassembler seulement au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In Hebrews 10, verse 25. Let's go to Hebrews 10. Hebräer 10, 24. Hebrews 10, verse 24. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 10, verse 25. Vers 25. He said, "For not forsaking the assembly of ourselves together, that we should, it is a command that we should not forsake the assembly of ourselves together." Es ist ein Befehl, dass wir die Treffen der Gläubigen nicht versammeln, nicht Et c'est un commandement qu'on ne doit pas abandonner notre assemblée. No, he is not talking about the flesh, but about the spirit. Il geht nicht um das Fleisch, sondern den Geist. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la chair, mais de l'esprit. He is not talking about the natural gathering, but the supernatural gathering. Il geht nicht um die natürliche Versammlung, sondern die übernatürliche Versammlung. Ici, il ne s'agit pas d'assemblée naturelle, mais de Jésus-Christ. Nothing of Christ is natural. Nichts von Christus ist natürlich. Parce que rien de Christ est naturel. You know, we are so used to the natural. Wir sind so gewöhnt an das Natürliche. Nous sommes vraiment habitués au naturel. And that's why we also always expect the natural. Deswegen erwarten wir auch immer das Natürliche. C'est ça pourquoi on attend toujours le naturel. Any report, any result, we always want it to be, you know, of the natural. Jeder Bericht, jedes Ergebnis, wir erwarten immer das Natürliche. On veut toujours que chaque rapport ou chaque résultat soit toujours naturel. You know what the natural man call good results, good report. Was der natürliche Mensch gutes Resultat oder gutes Ergebnis nennt. Ce que l'homme appelle un bon rapport ou bien un bon résultat. We must know that for Christ, you know, for God's children, there's nothing like good or bad. Wir müssen wissen, für Kinder Gottes gibt es nichts Gutes oder Schlechtes, alles ist Christus. Donc, on doit savoir, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas quelque chose comme bien ou mauvais, mais seulement Jésus-Christ. There's nothing like pass or fail. Es gibt kein Bestehen, alles ist Christus. Alles ist Christus. Il n'y a pas quelque chose comme passer ou bien échouer, parce que tout est le Christ. Is somebody getting it? In the natural world, yes, there's good or bad. There's a pass or there's a fail. But in Christ's world, in der Welt von Christus, et c'est vrai, au monde naturel, il y a quelque chose comme bien ou bien mauvais, ou bien passé ou bien échoué, mais au monde du Christ, ce n'est pas comme ça. Amen. In Christ's world, there is nothing like pass or fail. That's why the Bible said in, he said, all things work together for good. All things, pass or fail. Romans 8. Gibt es kein Bestehen oder Nichtbestehen, sondern alles geht zum Guten für die, die Christus folgen. Römer 8 lesen wir das. Et dans Romains 8, on a écrit que tout marche bien pour les enfants de Dieu qui croient vraiment Jésus-Christ. N'importe, même si c'est pas important si tu passes ou bien tu échoues, tout va toujours marcher pour ton bien. Amen. Amen. Are things work together in prison or not? Im Gefängnis will nicht alles auf zu tun. Même si tu es au prison ou pas, tout marche bien pour toi. Amen. Are things work together no matter the result, no matter the report. Egal was der Bericht, egal was das Ergebnis ist, alles n'importe quel résultat, n'importe quel rapport, tout marche bien pour toi parce que tu crois en Jésus-Christ. The earlier we understand the kingdom of heaven, the better for us. Und so früher wir das Königreich des Himmels verstehen, umso besser. Et c'est vraiment bien pour nous qu'on comprenne le royaume des cieux bien avant. If not, we will be in panic like that. We will be worried like that. We will be stressed like that. We will desire what they desire. What they call good, we'll be what we pray for and we desire. Sonst werden wir im Stress leben, so wie sie, und in Sorgen leben, wie sie. Sinon, on vivra toujours au stress, wie dans les désirs charnels ou naturels, comme le monde. Und das, was sie wollen, wollen wir dann auch. Et puis ce que le monde veut, c'est ça, c'est ce qu'on veut. The Holy Ghost can only walk where, you know, where it's only Christ. Der Heilige Geist kann nur da arbeiten, wo es nur Christus ist. Et le Saint-Esprit peut seulement travailler là où il s'agit de Jésus-Christ. He can never walk where you are expecting good report or bad report. Er kann niemals da arbeiten, wo du gute Berichte oder gute Ergebnisse erwartest. Et il peut jamais travailler là où toi tu attends les rapports bien ou mauvais, selon la définition du monde. Allow the Holy Spirit to work for you. Lass zu, dass der Heilige Geist für dich arbeitet. Permet que le Saint-Esprit travaille pour toi. How? Wie? Comment? You don't expect any report or result of this world. Mm-hmm. All you expect is Christ. Oder Resultat dieser Welt erwartest, sondern du wartest nur Christus. Tu le fais quand tu n'attends pas les résultats mondains, mais seulement les résultats du Christ. And that is how Satan cannot steal your joy, your peace. Und so kann der Satan auch deine Freude und deine Zufriedenheit nicht, dein Frieden nicht stehlen. Mm-hmm. Et c'est comme ça aussi comment le diable ne peut pas voler ta paix et ta joie. You know, if you know, praise the Lord. Mm-hmm. You know, if Joseph was, you know, his prayer was, I will not go to prison, I will not go to prison, I don't want to go to prison. Mm-hmm. He will be disappointed. Mm-hmm. Because they sent him to prison. Yeah. He was dumped there. Der Josef Mose gewesen, ich will auf keinen Fall ins Gefängnis, ich will auf keinen Fall ins Gefängnis. Und er wäre enttäuscht gewesen, traurig gewesen, weil er nämlich ins Gefängnis geschmissen wurde. Et si par exemple Joseph avait la mentalité qu'il ne veut pas aller au prison, qu'il veut pas aller au prison, et puis quand il a été jeté là-bas, il allait être vraiment triste, et puis oui, stressé. You know, outside, there's no Christ outside. The Christ, the true Christ is in you. You carry him everywhere. Even in the example, there is Christ. Selbst in der Prüfungshalle, das ist Christus. Et tu dois savoir que dehors, en extérieur, il n'y a pas le Christ, mais le Christ est en toi, puis tu le portes partout où tu es, même si dans tes examens. Amen. In prison, it was Christ for Joseph. Im Gefängnis war es Christus für Josef. Au prison, il s'agissait seulement de Jésus-Christ pour Joseph. In the fire, it was Christ for the three Hebrew boys. Im Feuer war es Christus. I don't know if somebody's getting it. Christus für die drei hebräischen Jungs. Et dans le feu, il s'agissait aussi seulement de Jésus-Christ pour les trois hommes hébreux. What about the lion's den? Ou les Löwengrube. Oui, même au tombeau de lion. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, to cross the sea, it was Christ for the children of Israel. That road was Christ. Durch das Meer zu gehen, um das Meer zu teilen, da durchzugehen, das war Christus für die Kinder Israels. Ou bien que le peuple Israël surpasse les eaux, c'était aussi seulement Jésus-Christ, même ce bâton a été seulement Jésus-Christ. The Lord never give you anything outside himself. Dieser Stab war Christus Jesus, der Herr gibt dir nichts außerhalb von ihm selbst. Et Jésus-Christ ne donne jamais quelque chose sauf lui-même. Once you now belong to him, it changes your everything. Wenn du zu ihm gehörst, verändert er dein Ein und Alles. Et quand tu appartiens à Jésus-Christ, il change tout dans ta vie. Even your pen you are going to use to write is Christ. Selbst den Stift, mit dem du schreibst, if the rod can be Christ, the pen, your pen can be Christ. Wenn der Stab Christus ist, dann kann auch der Stift, mit dem du schreibst, Christus sein. Et même le stylo que tu utilises pour écrire, c'est Jésus-Christ. Si même le bâton de Moïse pouvait être le Christ lui-même. Amen. Even the paper you are going to use to write, you are going to write on something, whatever it is. Don't see something else. Let your focus be Christ. Lass zu, dass alles dein Fokus auf Christus liegt. Et même le papier que tu sur lequel tu vas écrire, tu vas voir que c'est seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. It is a command that we should not forsake the assembly of ourselves. Es ist ein Befehl, dass wir die Treffen der Gläubigen nicht versäumen sollen. Et c'est un commandement qu'on ne doit pas abandonner l'assemblée de croyants. Because our assembly is the assembly of Christ Jesus. Weil unser Zusammenkommen das Zusammenkommen von Christus Jesus ist. Parce que notre assemblée c'est l'assemblée de Jésus Christ. You know, we just read Hebrews 10, verse 25. Wir haben gerade eben Hebräer 10, 25 gelesen. On vient de lire Hebrews 10, verse 25. It is talking about Christ Jesus. Da geht es um Christus Jesus. Là, il s'agit de Jésus Christ. The Christ that is you and me. Der Christus, der du und ich bist. Le Christ qui est toi et moi. And here it's also talking about the ministry. Und hier geht es auch um die Gemeinde. Et il s'agit aussi de l'Église. The ministry that is Christ alone. Die Gemeinde, die Christus alleine. L'Église qui est seulement Jésus Christ. Here he is talking about heavenly citizen. Hier geht es um die himmlische Bürgerschaft. Il s'agit seulement de citoyens célestes. And all the citizens, you know, of any country here on earth. Und nicht die Bürgerschaft irgendeines Landes hier auf Erden. Et pas les citoyens de ce monde. Amen. And here it's also talking about what heaven called the saints. Und hier geht es auch um das, was der Himmel die Heiligen nennt. Ici, ça montre ce que la Bible appelle les saints. And not what religion called the saints. Und nicht das, was Religion nennt. No, they have their saints. Sie haben auch ihre Heiligen. Teresa. Unter Teresa, also andere. Et pas ce que la religion appelle les saints, comme par exemple la mère Thérèse. Amen. Here he's not talking about Mother Teresa. He's talking about Christ alone. Um Christus alleine. Ici, il ne s'agit pas de la mère Thérèse, mais seulement de Jésus-Christ. Here he's talking about the true family of Christ. Hier geht es um die wahrhaftige Familie von Christus. Ici, il s'agit de la vraie famille de Jésus-Christ. Go to Colossians 1:26. Colossiens 1:26. Colossiens 1, verset 26. Praise the Lord. Amen. Colossians 1, verse 26. Colossians 1, verse 26. Said, even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is being made manifest to his saints. Praise the Lord. His mystery is, you know, he revealed his mystery now to us. That's why you are able to be here. Listen to and like here to sein. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a révélé son mystère, c'est ça pourquoi nous sommes capables d'être ici. It's only the saints that can understand the kingdom of heaven. Nur die Heiligen können das Königreich des Himmels verstehen. Seulement les saints peuvent comprendre le royaume des cieux. Amen. It's only the saints that are of heaven. Nur die Heiligen sind vom Himmel. Seulement les saints sont du ciel. What heaven calls saint. Was der Himmel Heilige nennt. Ce que, le ciel appelle saint. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He also said here, he said, oh, the mystery. The mystery is being revealed to us. And that is why when you, once you speak, people cannot even understand you because your words, they are all mystery. Your message, they are all mystery. Die Worte, die wir sprechen, Geheimnisse sind. Wenn wir sprechen, sind es Geheimnisse für die Welt. Et oui, c'est le mystère que Jésus-Christ nous a révélé. C'est ça pourquoi le monde n'est pas capable de nous comprendre, parce que c'est caché devant eux. And that's why, no, people cannot understand how you leave everything for Christ. C'est que l'on peut verstehen, wie du alles für Christus zutest. C'est ça pourquoi le monde ne peut pas comprendre pourquoi tu quittes tout pour Jésus-Christ. They cannot understand why it is all about Christ for you. Sie können nicht verstehen, weshalb es nur um Christus geht. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il s'agit seulement de Jésus-Christ pour toi. They cannot understand why you are here today. Sie können nicht verstehen, weshalb du heute hier bist. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es ici aujourd'hui. They cannot understand why you can believe him at all. Sie können nicht verstehen, weshalb du ihm glauben kannst. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu peux le croire. Because his mystery never make any sense. Weil seine Geheimnisse keinen Sinn machen. No natural sense, no five senses there. Kein no common sense there. Parce que le mystère de Jésus-Christ n'a pas de sens. Ça marche pas pour la sagesse naturelle. Praise the Lord. Hallelujah. Our message is mystery. Unsere Botschaft ist ein Geheimnis. Notre message est un mystère. It has the Holy Spirit to know it and to understand. Es braucht den Heiligen Geist, um es zu verstehen und es zu kennen. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître et comprendre ce mystère. To believe it at all. Um es überhaupt zu glauben. Et même pour le croire. To put it in action. It takes the power of the Holy Spirit. Braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Et même pour agir selon ce message, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Because it never, you know, it never makes any sense to any man. Weil es keinen Sinn macht für den Menschen. Parce que ça n'a même pas de sens pour l'homme. Praise the Lord. It never make any sense to any man. Es macht für den Menschen keinen Sinn. Ça n'a pas du sens pour l'homme. 1 Corinthians 1, please. 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. Praise the Lord. Hallelujah. I've seen myself already preaching in Nigeria. Amen. That television house. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ich sehe mich schon da. Ich habe schon prêché au Nigeria, notre télévision. Die ganze Welt wird beben. Amen. Everywhere we shake. Die ganze Welt wird beben. Et tout le monde va trembler. First Corinthians 1. 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. Vers 1 and 2. Vers 1 und 2. Verset 1 et 2. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. And certainly our brother, verse 2, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saint. Praise the Lord. Hallelujah. With all that, in every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both just and ours. He said, called to be saint. Berufen, Heilige zu sein. Appelé d'être des saints. We are called to be saint. Wir wurden berufen, Heilige zu sein. Nous avons été appelés pour être des saints. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The world might not know you, but Christ knows you. Kennt dich vielleicht, aber Christus kennt dich. Même si le monde ne te connaît pas, mais le Christ te connaît. They might not know you, but Peter, Paul, they all know you. Sie kennen dich nicht, aber Petrus und Paulus kennen dich. James, John, they all know you. Jakobus, sie kennen dich. Même si le monde te connaît pas, mais Jacques, Paul, Pierre, Luc, ils te connaissent. You know, the world may not know you are saint, but heaven knows you are saint. Die Welt kennt dich nicht als Heiligen, aber der Himmel kennt dich als Heilig. Et même si le monde ne te reconnaît pas comme un saint, mais le ciel te connaît comme un saint. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ said, the saints are those that are sanctified. Christus sagt, die Heiligen, die geheiligt sind in Christus Jesus. Et la Bible nous dit que les saints sont les gens qui sont sanctifiés au nom de Jésus-Christ. It means both our inside and outside are completely Christ. Sind Christus Jesus. Donc l'intérieur et l'extérieur est complètement Jésus-Christ. It means both our inside and our outside is completely what Christ called the truth. Unser Inneres und Äußeres, das was Christus Jesus die Wahrheit nennt. Notre intérieur et notre extérieur est ça ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Those that are sanctified in Christ. Die Leute, die geheiligt sind in Christus Jesus. Les gens qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. It means the true believers of what Christ called the truth. Ich meine die wahrhaftigen Gläubigen, die, von denen Christus Jesus sagt, dass sie die Wahrheit sind. Le vrai, oui, saints que où Jésus-Christ dit qu'ils sont des croyants. What Christ called the truth is what separates us from them. Was Christus die Wahrheit nennt, ist das, was uns von ihm trennt. Et ce que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est ça qui cause la séparation entre nous et le monde. Amen. Amen. What Christ called the truth, they are all mystery. Was Christus die Wahrheit nennt, ist ein Geheimnis. Et ce que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est un mystère. It needs the power of the Holy Spirit to know them. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. That's why it's not in churches today. Und deswegen ist es nicht in Gemeinden zu finden. Tu as besoin du puissance du Saint-Esprit pour comprendre cette vérité. Because churches refuse to see Christ alone. Weil Gemeinden weigern sich, Christus allein zu sehen. C'est ça pourquoi tu ne peux pas voir cette vérité dans les églises, parce que les églises, ils refusent de voir vraiment la vérité. You are not to mix Christ with anything. Du darfst Christus mit nichts anderem vermischen. Tu ne dois pas mélanger, tu ne peux pas mélanger Jésus-Christ avec la vérité. It's not Christ and then I pass. C'est nicht Christus und ich bestehe. Ce n'est pas Jésus-Christ et puis passer les examens. It was not that, yes, it's Christ, no prison for Joseph. Es ist nicht Christus und kein Gefängnis für Josef. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais pas le prison pour Joseph. Amen. Et vous, Paul? Paul and Silas, remember the story. Paulus und Silas. Ja, même chose avec Paul et Silas, comme sagt les apôtres. It was all about Christ for them. Es ging ihm nur, ging ihm nur um Christus. Pour eux, il s'agissait seulement de Jésus-Christ. You can only know the mystery if you allow it to be Christ alone. Du kannst nur das Geheimnis kennen. And the mystery will take away that, you know, it will separate you from that mystery. Mm. You can never get it. Jegliche Mischung wird dich von diesem Geheimnis trennen und du wirst es niemals empfangen. Et oui, pour comprendre le mystère de Jésus-Christ, tu ne dois pas mélanger Jésus-Christ avec quelque chose d'autre, parce que quand tu mélanges quelque chose avec Jésus-Christ, c'est là où tu ne seras pas capable de comprendre la vérité. And that's why people, when they come here, they cannot continue. Deswegen Leute, wenn sie hinkommen, können sie nicht weitermachen. C'est ça pourquoi les gens, quand ils viennent ici, ne peuvent pas continuer avec Jésus-Christ. Because when they hear the mystery, they want to mix it with something else. They want to mix Christ and the flesh. Aber and it can never work. Wenn sie das Geheimnis hören, möchten sie es vermischen mit dem Fleisch, aber es wird nicht funktionieren. Et quand les gens viennent ici, ils entendent le mystère de Jésus-Christ, mais ils veulent aussi le mélanger avec avec la chair, et ce n'est pas possible. Exactly what Jesus said in Matthew 6. You cannot serve God and mammon. Cannot be both. Jesus Christus sagt, Matthew, if it is both for you, you cannot even be here. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn du beides machst, dann wirst du dich rausschleudern. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6 que tu ne peux pas servir Dieu et les mamans, ce n'est pas possible. Let's go to John 17:17. Johannes 17:17. Jean 17, verset 17. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. John 17:17. Johannes 17:17. Jean 17, verset 17. He says, sanctify them through thy truth. Your word is truth. Amen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Sanctify them through Heilige sie. Through that truth. In deiner Wahrheit. Christ's word is the truth. In das Wort von Christus die Wahrheit. Sanctifiez-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Le Christ est la vérité. Amen. Also John 17. Look at verse 18 and 19. Jean 17, verset 19 et 18 et 19. He said, thou hast sent me into the world. Even so have I also sent them into the world. Praise the Lord. Amen. And for your sake, I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said he sanctified himself. Jesus sagt, er hat sich selbst geheiligt. Jesus Christ a dit, s'est sanctifié lui-même. Remember, he is the truth. Er hat euch daran erst die Wahrheit. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Die Wahrheit und das Leben. Rappelle-toi qu'il est la vérité. Dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Amen. And here he said, I sanctify myself. Hier sagt er heiligt sich selbst. Ici, il nous dit qu'il se sanctifie lui-même. The truth sanctifies the truth. Die Wahrheit heiligt die Wahrheit. La vérité sanctifie la vérité. How did he sanctify himself? He submitted to his father. Indem er sich seinem Vater hingegeben hat. Comment il s'est sanctifié? C'est quand il a été soumis à son père. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. For him, it was all about his father. That's his sanctification. Et pour Jésus-Christ, il s'agissait seulement de son père. Ça, c'était, c'est ça, sa sanctification. Amen. You know, as his father sent him, so also he sent us. So our focus, it must be him alone. That's how you are sanctified. So wie sein Vater ihn geschickt hat, hat er uns geschickt. Und deswegen muss unser Fokus auf ihm sein. So sind wir geheiligt. Comme le Père a envoyé Jésus-Christ, c'est comme ça aussi Jésus-Christ nous envoie, et c'est comme ça on sera aussi sanctifié. C'est quand notre concentration est seulement sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. What separates us from them is what Christ called the truth. Was uns von ihm trennt, ist das, was Christus die Wahrheit nennt. Ce qui nous sépare du monde, c'est ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Praise the Lord. Amen. The saints are not those that call on the name of Jesus, but are hungry of things. Die Heiligen sind nicht die Leute, die nach dem Namen von Jesus Christus schreien, aber hungrig sind nach Dingen. Et les saints ne sont pas les gens qui appellent le nom de Jésus-Christ, mais les gens qui ont faim de quelque chose. Amen. Amen. The saints are not those that are there for beggars. Die Heiligen sind nicht, what were called the poor. Sind nicht die, die da sind für die Armen und die Bettler. Et les saints ne sont pas les gens qui sont là pour les mendiants ou pour les pauvres, selon la définition du monde. Amen. The saints are not those that call on the name of Jesus, but are hungry of miracles. Die Heiligen sind nicht die, die den Namen von Jesus Christus schreien, aber hungrig sind nach Wundern. Et les saints ne sont pas les gens qui sont là pour le monde, mais les gens qui ont faim de miracles. Again, the saints are not those that call on the name of Jesus, but are hungry of wealth. Die Heiligen sind nicht die, die nach dem Namen von Jesus Christus rufen. Hungrig sind nach Reichtum, hungrig sind danach zu bestehen. Et les saints ne sont pas oui, les gens qui appellent le nom de Jésus-Christ, mais les gens qui ont faim de passer. Amen. They are hungry. Those that are, you know, they call, they might even mention the name of Jesus. But, you know, they are hungry of good report, good result. Sie sind hungrig nach guten Ergebnissen, guten Berichten. Donc, ce sont les gens qui appellent le nom de Jésus-Christ, mais ils ont faim de bons rapports ou bien de résultats mondains. They are hungry of what this world calls good report or good result. Sie sind hungrig nach dem, was diese Welt gutes Resultat oder gutes Ergebnis nennt. Ils ont faim de ce que le monde appelle un bon résultat. Amen. They are hungry of what this world calls peace, joy, good life. Was diese Welt Frieden, Freude und gutes Leben nennt. Et ils ont faim de oui de ce que le monde appelle la joie, la victoire et la paix. Jesus told us what should be what we should be hungry of. Jesus hat uns aber gesagt, wonach wir hungern sollen. Et Jésus-Christ nous a dit de quoi on doit avoir faim. Anything outside it is not Christ. Alles außerhalb davon ist nicht Christus. Et tout en dehors de cette chose est pas Jésus-Christ. Matthieu 5. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. Oh, come on. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Amen. Amen. Verse 6. Matthew 5, verse 6. Matthew 5, verse 6. It says, blessed are those. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Amen. Mm-hmm. You know, he told us what should be, we should be hungry of. Mm-hmm. To be hungry of Christ, to believe Christ. That should be what we are hungry of. Et Jésus-Christ nous a dit de quoi on doit avoir faim. Il nous dit ici dans verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. It says, for they shall be filled. Car ils seront rassasiés. Amen. Christ can only feed you if you are hungry of him, to believe him. Kann nicht nur füttern, wenn du hungrig bist nach ihm. Et Jésus-Christ peut seulement te nourrir si tu as faim de lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What heaven calls saints are not those that feed the poor with money, with food, with clothes. Die Leute mit Essen und Nahrung und Klamotten versorgen. Et ce que la Bible appelle les saints, ce ne sont pas les gens qui sont là pour le monde à travers l'argent, bien quand ils donnent des vêtements aux pauvres. Religion. Je déteste la religion. Amen. Amen. You know, remember 1 Corinthians 13, verse 3. It says, if you give your body to be burnt, it profits you nothing. Because it's not Christ. Wenn du Körper hergibst und du verbrannst, dann bringst du dir nichts, weil es nicht Christus ist. Et dans 1 Corinthians 13, on a écrit, même si tu donnes ton corps comme un sacrifice pour même brûler ton corps, ça ne te sert à rien si ce n'est pas basé sur Jésus-Christ. Amen. You know, giving your body to be burnt for anyone It's even greater than feeding them with money or food. But Jesus said it profits you nothing. Dein Körper ist all about you. Damit er verbrannt wird für andere Leute, ist sogar größer als Essen und Speise. Aber dennoch sagt Jesus Christus, das ist halt nichtig, weil es um dich selbst geht und nicht um Christus Jesus alleine. Et la Bible nous dit que même si tu donnes ton corps pour comme un sacrifice pour le brûler, tu peux même voir que ça c'est plus grand que donner l'argent aux pauvres. Et la Bible nous dit que ça sert à rien. Let's go to Hebrews 10 again, please. Hebrews 10. Amen. Amen. And verse 25 again. And 25. Hebrews 10, verse 25. He said, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is. You know, there are some, we are already forsaking it. Damals haben Leute schon die Treffen der Gläubigen versäumt. Et oui, avant même dans la Bible, on peut voir comment les croyants ont abandonné les assemblées de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't look for any opportunity to forsake the assembly. Suche nicht nach einer Gelegenheit, die Treffen der Gläubigen zu versäumen. Et ne cherchez pas de raison pour abandonner l'assemblée de Jésus-Christ. Instead, look for every opportunity to be part of it. Amen. Stattdessen such nach jeder Gelegenheit, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Vaut mieux chercher chaque opportunité pour être là avec les enfants de Dieu. You can see that he said, you know, then, it was long time ago. But so we are already forsaking it. Just like today. People have been forsaken. Damals haben Leute das schon versäumt. Ne? Und auch heute tun es Leute. The gathering of God's children. À l'époque, au temps du Paul, il y avait des croyants qui sont déjà abandonnés à l'assemblée de Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, il y a aussi des enfants de Dieu qui rejettent ou bien ratent l'assemblée de Jésus-Christ. All the love is the assembly of the flesh. Alles, was sie lieben, ist die Versammlung des Fleisches. Mais ce qu'ils aiment, c'est l'assemblée de la chair. All the love is the assembly of religion. Die Versammlung von Religion. Ils aiment, préfèrent l'assemblée de la religion. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The assembly of believers are the assembly of Christ. Die Versammlung der Gläubigen ist die Versammlung von Christus. Et l'assemblée des croyants est l'assemblée de Jésus-Christ. The true believers of Christ, what Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. Oui, les vrais croyants, ceux que Jésus-Christ appelle les croyants. It is always from Christ to Christ, from himself to himself. Go to Colossians 1, verse 20. C'est toujours entre le Christ et le Christ, entre lui-même et lui-même. Colossiens 1, verset 20. Praise the Lord. Amen. Colossiens 1, verse 20. Colossiens 1, verset 20. He said, I'm having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. You can see it's all about him. Es geht nur ihn. By him, I say, whether there be things in earth or things in heaven, there's nothing outside him for us. Es gibt nichts außerhalb von ihm für uns. Dans verset 20, on peut voir qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ, donc il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Our exam is Christ. Unsere Prüfung ist Christus. Notre examen est Jésus-Christ. Our sleeping and waking up is Christ. Am Schlafen und Aufstehen ist Christus. Quand on dort, on se réveille, c'est Jésus-Christ. Eating and drinking is our Christ. Essen und Trinken ist Christus. Mm-hmm. Manger et boire, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, for some, the assembly, their gathering together is all about themselves. Für einige ist jetzt ihre Versammlung, da geht es nur um sie selbst. Et il y a aussi des gens où, quand ils se rassemblent avec des autres, il s'agit seulement d'eux-mêmes. For them, it is not a must that they must. You know, it is not a must that they should be one with God's children. Für sie ist es kein Muss, eins zu sein mit Kindern Gottes. Pour eux, ce n'est pas nécessaire de se rassembler avec des enfants de Dieu. There's no Christ without the true God's children. Aber es gibt keinen Christus ohne die wahrhaftigen Kinder Gottes. Mais il n'y a pas le Christ sans les vrais enfants de Dieu. Amen. Amen. There is no Christ without the true God's children. Es gibt keinen Christus ohne die wahrhaftigen Kinder Gottes. Il n'y a pas le Christ sans les vrais enfants de Dieu. He is spirit. Er ist Geist. Il est esprit. He cannot be here without you and me. Er kann nicht hier sein ohne dich und mich. Il ne peut pas être ici sans toi et moi. 2 Corinthiens 5. Look at what he said. We are representing him. Et puis dans 2 Corinthiens 5, il nous dit qu'on lui représente. He needs our body to be here. Il braucht unseren Körper, um hier zu sein. Il a besoin de notre corps d'être ici. Just like Jesus, you know, Christ needed Jesus to be here. Genauso wie Christus Jesus gebraucht hat, um hier auf Erden zu sein. La façon comment Dieu le Père avait besoin de Jésus-Christ pour être ici sur terre. Le Christ avait besoin de Jésus. Ah, et même comment le Christ avait besoin de Jésus-Christ pour être ici. Without Jesus, Christ cannot be here. Ohne Jesus kann Christus nicht hier auf Erden sein. Et sans le Christ, Jésus-Christ ne peut pas être ici sur terre. Are you getting it? The body is Jesus. Der Körper ist Jesus. The inside is Christ. Und das Innere ist Christus. Le corps est Jésus, mais l'intérieur est le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The two names are two different things. They are two different names. One is from the Lord Himself. Amen. That's good. Genau, die zwei Namen kommen von zwei verschiedenen Orten. Einer ist von ihm selbst und der andere ist von Menschen. Et on doit savoir que tous les deux noms, donc Jésus et le Christ, ils ont deux origines différentes. Praise the Lord. Amen. Amen. 2 Corinthians 5, verse 20. 2 Corinthians 5, verse 20. He said, now then, we are ambassadors for Christ. Wir sind Botschafter von Christus. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. As though God did beset you by us, He prayed you in Christ's stead. Be ye reconciled to God. He said, we are ambassadors. Wir sind Botschafter von Christus. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus du Christ. You are a country. Du bist ein Land. Tu es un pays. Praise the Lord. Amen. You represent Christ. Du repräsentierst Christus. Toi, tu représentes le Christ. Christ Jesus need our body. Christus Jesus braucht unseren Körper. Jésus Christ a besoin de notre corps. Without our body, he cannot be here. Ohne unseren Körper kann nicht hier auf Erden sein. Sans notre corps, il ne peut pas être ici sur terre. Our spirits are illegal here on earth. Alle Geister sind illegal hier auf Erden. Sie, tous les esprits sont illégaux ici sur terre. They need a living thing to be here. Sie brauchen etwas Lebendiges, um hier zu sein. Ils ont besoin de quelque chose vivant pour être ici. And that's why if you are really of Christ, si wenn du wirklich von Christus bist, c'est ça pourquoi si tu appartiens vraiment, it is a must you are one with the true God's children. Musst du eins sein mit den wahrhaftigen Kindern Gottes. C'est obligatoire que tu sois un avec les vrais enfants de Dieu. Amen. Amen. There's not a difference between the true God's children and Christ. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Kindern Gottes und Christus. Il n'y a pas une différence entre les vrais enfants de Dieu et le Christ. Reject that evil spirit that have already affected some people. Amen. Amen. They believe they don't need anybody. They always believe they don't need anybody. Mm-hmm. For them, it's all about them and it's all about me and Jesus. Mm-hmm. We need one another. Amen. Mm-hmm. Verweigert diesen Geist, der viele Leute in dieser Gemeinde schon befallen hat, dass sie glauben, dass sie nur Christus und sich selbst brauchen. Und wir brauchen Christus und einander in Christus. Et on doit rejeter cet esprit qui nous dit que nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre sauf Jésus-Christ et nous-mêmes. Non, on a besoin des enfants de Dieu, parce que ces enfants de Dieu sont vraiment le Christ lui-même. Amen. Amen. You know, Paul was never alone. Paulus God's children, alone. He was, you know, Timothy, Titus, they were all there. Titus, they were all there. Paul était jamais tout seul. Il était toujours entouré des autres enfants de Dieu comme Timothée. Amen. Amen. You know, some just want to stay at home and believe Christ. Amen. You know, they want to stay at home. Just listen to the message and stay at home. Sie wollen nicht die Botschaft einfach anhören und dann zu Hause bleiben. Il y a des enfants de Dieu qui veulent écouter le message, mais seulement à travers de la maison. There's nothing like just listening to their message and believe Christ. Without being one. Amen. Amen. If you have opportunity to be one with them. kann ich nur sagen, ich höre mir deren Predigt an, aber bin nicht eins mit ihm. Wenn man eine Gelegenheit hat, die Möglichkeit hat, eins zu sein, aber jetzt nicht, keine Ahnung, geografisch von der Gemeinde entfernt ist oder sonstiges. Et tu ne peux pas dire que tu écoutes seulement le message de cette église, mais tu es pas un avec eux. Tu dois toujours chercher chaque opportunité d'être un avec les enfants de Dieu. S'il n'y a pas une raison pourquoi tu veux pas être là, parce que par exemple ta maison est loin ou quelque chose comme ça. I hope you understand me. Amen. You know, just you stay at home and be listening. Even you can even connect the true phone and be listening. Then you know that's all you need. And then you are, there is nothing between you and Christ. I believe Christ. That is just enough. Then the Lord is wrong. That said, don't forsake the assembly of believers. Aber wenn einfach nur einschalten reichen würde, dann wäre doch der Herr falsch, wenn sagt, dass wir die Treffen der Gläubigen eben nicht versäumen sollen. Mhm. Ist das dann in diesem Jahrhundert nicht mehr nötig, weil man jetzt ja auf Treffen verzichten kann durch Zoom oder sonstiges? Et quand tu dis par exemple que tu vas écouter le message à travers ta maison, tu dis aussi indirectement que Jésus-Christ est un menteur parce que celui la personne qui a dit que tu ne dois pas abandonner l'assemblée des enfants de Dieu parce que il y a beaucoup de gens qui sont devenus paresseux pour être un avec les enfants de Dieu à cause des réseaux sociaux. Are you getting it? Amen. If you have opportunity to be there, to be one with God's children, why are you not one with them? Wenn du eine Möglichkeit hast, eins zu sein mit Kindern Gottes, weshalb bist du nicht da mit ihnen? Et si tu cherches vraiment des possibilités pour être un avec les enfants de Dieu, pourquoi tu n'es pas là avec eux? Amen. I'm not talking about religious churches. If once it comes to religion, it's better you stay at home than going to any religious church, because they are going to write into your heart. Ich spreche nicht darüber, eine religiöse Gemeinde zu besuchen oder mit religiösen Menschen eins zu sein, weil wenn sie wenn du dahin gehst, werden sie Dinge in dein Herz schreiben. Deswegen ist es besser, dann es ganz zu lassen. Mm-hmm. Et c'est ça. Et quand je parle comme ça, je ne dis pas qu'il s'agit d'aller aux églises religieuses parce que là-bas ils vont écrire même des choses dans ton cœur. Amen. Ils ne sont pas basés sur le Christ. You know, before the ministry here, I was listening to pastors because there was no living church that I even know anywhere. If there had been a living church, I could have been there. Mm-hmm. Amen. And I would want to be one with them. Because I know it's a living church. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Bevor ich die Gemeinde eröffnet habe, habe ich mir auch ganz viele Pastoren angehört. Und ich war bei ihnen in deren Gemeinde, weil es halt keine Möglichkeit gab, dahin zu gehen. Aber hätte es eine Möglichkeit gegeben, hätte ich die Möglichkeit genutzt. Et oui, avant cette église... J'écoutais toujours les messages des autres pasteurs parce qu'il n'y avait pas des églises vivantes. Parce que si les églises vivantes existaient, là, j'allais même aller là-bas sur place. Mais oui, il n'y avait pas des églises vivantes. Amen. Mm-hmm. I did not know any living church anywhere around me. Or any, you know, they are in London, they are in America. Or those, the church that I was even listening to. Amen. If they have been near to me, I could have even been there to just listen. I want to see them also. I want to be one with God's children. Yeah. Und es waren Gemeinden, die halt größtenteils in London oder Amerika oder Kanada oder sonst wo waren. Und, aber hätte ich die Möglichkeit gehabt, zu diesen Leuten zu gehen, dann wäre ich gerne eins gewesen mit ihnen. Et c'était les églises ou les pasteurs qui étaient à Londres, aux États-Unis ou bien au Canada, et c'était trop loin pour moi. Mais j'aurais bien aimé d'avoir une église près de moi. You know, just like Jesus said, if I have not come, you have not seen. Don't know if you understand. He said, if I have not come, your sin is not against you. Jesus hat gesagt, wäre ich nicht da, dann hättet ihr keine Sünde. Aber weil ich da bin, habt ihr Sünde auf euch geladen. Et c'est la même chose quand Jésus-Christ dit, si je n'allais pas venu là, vous n'allez pas avoir des péchés, mais parce que je suis venu, vous avez des péchés. If there's no living church around you that you know, there's no sin against you. Are you getting it? Lebendige Gemeinde um dich herum gibt, dann bist du sozusagen schuldlos, weil du nicht die Gelegenheit hast, diese Gemeinde zu besuchen. Mais ici il n'y a pas une église proche de toi, là tu n'as pas, oui, un problème parce que tu n'as pas une église proche de toi. You know, if Jesus has not come, he cannot even accuse us of any sin. Wenn Jesus gekommen wäre, hätte er uns nicht hätte er uns keine Sünde schuldig sprechen können. Et si Jésus-Christ n'était pas venu là, il n'avait pas de raison pour trouver des péchés. Because sin, we all inherited it. Weil die Sünde haben wir alle geerbt. Denn die Sünde haben wir alle vererbt. Parce que nous avons hérité le péché. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, what they are doing is the greatest spirit of self. Was sie tun, ist der größte Geist des Selbst. Et ce qu'ils font, c'est l'esprit du soi. Amen. Because it's all about you. Weil es nur um dich geht. Parce qu'il s'agit seulement de toi. Amen. Amen. How can Christ teach you without one another? Wie kann dich Christus lernen ohne einander? Et comment le Christ peut t'enseigner sans les uns les autres? Through one another, he teaches us everything. Er lehrt uns durcheinander. Et il nous apprend tout à travers les uns et les autres. Amen. Amen. He teaches us everything in his kingdom. Er lehrt uns alles in seinem Königreich. Il nous apprend tout au royaume des cieux. How to live like father and son. Wie wir leben wie Vater und Sohn. Comment vivre comme fils et oui, comment avoir une relation entre how fils to live et like husband and wife. Wie Ehemann et Ehefrau leben. Comment vivre étant homme et mari. How to live like brothers and sisters. Marie et Bruder et Schwester leben. Comment vivre étant frère et sœur. How to live like parents and children. Wie wir leben wie Kinder und Eltern. Comment vivre étant enfants et go to John 15, please. Johannes 15. Jean 15. John 15. Johannes 15. Praise the Lord. Alleluia. John 15. Johannes 15. Verse 3. Verse 3. Jean 15, verset 3. Amen. Amen. He teaches us with one another. Elle est à toute l'année. Il nous apprend beaucoup de choses à travers l'un et l'autre. He said, now you are clean. Jetzt sind wir rein. Through the word which I have spoken unto you. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. We are clear through His word. Wir sind rein durch sein Wort. Spoken. Durch das Wort, das er gesprochen hat. Nous sommes purs à travers la parole que nous a annoncée. It means we are His word. Das heißt, wir sind sein Wort. Amen. Das signifie que nous sommes sans sa parole. Amen. Amen. He teaches us with one another. Er lehrt uns. Er lehrt uns. Miteinander. Il nous enseigne à travers l'un et l'autre. Remember Revelation 19, verse 13. Jesus said, He is the Word of God. Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Et dans Apocalypse, on a écrit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Praise the Lord. Amen. It means if you are looking for the Word of God, come to Christ. Das heißt, wenn du nach dem Wort Gottes suchst, because He is the Word of God. Denn er ist das Wort Gottes. Das signifie que si tu cherches la parole de Dieu, tu dois venir vers le Christ parce que lui-même il est la parole de Dieu. Amen. And you know we are His Word. Wir sind sein Wort. Et nous sommes sa parole. Amen. And that's why somebody is looking for Christ to come to us. Wenn jemand nach Christus sucht, sollte er zu uns kommen. C'est ça pourquoi si quelqu'un cherche le Christ, il doit venir vers nous. Amen. If somebody is looking for Christ's word, if he's looking for Christ, he's looking for the word of Christ, he should come to you and me. Wenn jemand nach dem Wort von Christus sucht, sollte er zu dir und mir kommen. Et si quelqu'un cherche la parole du Christ, là, il doit venir vers toi et moi. Amen. Amen. He should look for you and me. Er sollte nach dir und mir suchen. Il doit nous chercher. Let's go to 2 Corinthians, please. 2 Corinthians. 1. Praise the Lord. Amen. 2 Corinthians 1, verse 4. 2 Corinthians 1, verse 4. He said, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He is our comforter. He comforts us. And we are able to comfort one another. Wir sind in der Lage, einander zu trösten. Mm-hmm. Et Jésus-Christ est notre consolateur et à travers de l'un et l'autre nous console aussi. Say this way also. You know, in John 5. Go to John 5, 14. Quickly go there, please. John 5. Johannes 5, 14. Jean 5, verset 14. John 5. Johannes 5. Jean 5. Okay, okay, John 5. Now I'm coming, Charles. John 5, 14. Oh, sorry, not John. Matthew 5. Matthew, we go to John, but not now. John, Matthew 5, 14. Matthew 5, verset 14. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. Matthew 5. Matthew 5. Verse 14. 14. He says, you are the light of the world. Praise the Lord. Amen. Please understand here. He says, you are the light. That is Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde. And if you go to John 8, verse 12, then you see what he said concerning himself. John 8. Put a finger here, please. Johannes 8. John 8. That's good. He said, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Jean 8, verset 12. You can see what he called himself is what he called us. Was er sich selbst nennt, nennt er sich, nee, was er, wie er sich selbst bezeichnet, so bezeichnet er auch. We are not different from him. Ist nicht anders als er. Et la façon comment il s'appelle lui-même, c'est la même façon comment il nous appelle, parce que nous sommes différents de Jésus-Christ. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Then in Matthew 5, that we just read, that is verse 14. You are the light. It's Jesus, the same Jesus that is speaking here. You see that? You are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. Are you getting it? Et on peut voir dans it means somebody is looking for light to look for you. Das heißt, wer nach Licht sucht, soll es nach dir suchen. Donc, ça nous montre que la personne qui cherche la lumière doit te chercher. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. And no one can hide you. Niemand kann dich verstecken. You cannot be hidden. Du kannst nicht versteckt werden. Et personne peut te cacher. Tu peux pas aussi te cacher toi-même. It's a city that is set on an hill cannot be hid. Praise the Lord. Amen. Stadt, die auf einem Berg ist, kann nicht verborgen werden. We can see these two places that we just read. Die zwei Stellen, die wir just like he called himself the light of this world. Das Licht dieser Welt. He called us the light of this world. Nennt er auch uns das Licht der Welt. Et si on compare Matthieu 5 et Jean 8, où dans Matthieu 5, il dit qu'il lui-même, où il nous appelle la lumière de ce monde, puis où il dit, c'est dans Jean 8 qu'il est la lumière de ce monde, on peut voir qu'il n'y a pas une différence. You know, the world needs us to see. Das Welt, if not, they are blind. Die Welt braucht uns, damit sie sehen kann, sind sie blind. Et le monde a besoin de nous pour voir, sinon ils sont aveugles. They need us to see. Sie brauchen uns, um zu sehen. Le monde a besoin de nous pour voir. Without us, they cannot see. Ohne uns können sie nicht sehen. Sans nous, le monde ne peut pas voir. Without us, they are in darkness. Ohne uns sind sie in Finsternis. Et sans nous, ils sont aux ténèbres. We are the light of this world, just like he is the light of this world. Wir sind das Licht dieser Welt, genauso wie er das Licht dieser Welt ist. Nous sommes la lumière du monde, comme Jésus-Christ est la lumière du monde. We are the word of God, just like he is the word of God. Wir sind das Wort Gottes, genauso wie er das Wort Gottes ist. Nous sommes la parole de Dieu, comme aussi Jésus est la parole de Dieu. And that is why what comes out from us is always he. Deswegen, was aus uns herauskommt, ist immer er. Donc ça montre que tout ce qui sort de nous, c'est toujours Jésus-Christ. Amen. Amen. Anytime anyone come to us, what come out from us is always He. Wenn jemand zu uns kommt, das was aus uns herauskommt, er selbst. Amen. Because that is who we are, the Word of God. Amen. Amen. Das sind wir, das Wort Gottes. Et toujours quand les gens nous cherchent, on va faire sortir seulement Jésus Christ parce que nous sommes Jésus Christ lui-même. Amen. Amen. The Word of Christ is who we are. Das Wort von Christus, das was wir sind. Parce que nous sommes la parole de Dieu. Amen. Amen. You know those that you know. Again, those. Amen. Those stars, you know, Hebrew 10, verse 25 talked about. Über die Hebräer 10, 25 spricht. Et dans la place où Jésus-Christ parle dans Hébreu 10, verset 5. Amen. Those that are, you know, for them, they don't want to be part of the assembly of God's children. Die nicht Teil sein wollen von der Treffen der Gläubigen. Of true God's children. Der wahren Kinder Gottes. Et dans Hébreu 10, Jésus-Christ nous montre les gens qui ne veulent pas appartenir aux assemblées des enfants de Dieu. They want to be in heaven alone. Ils veulent en Himmel alleine sein. Ils veulent être au ciel toute seule. Praise the Lord. Hallelujah. They don't know that heaven has started. Sie wissen nicht, dass der Himmel schon hier angefangen and not after you die. Und nicht erst nach deinem after Tod, they die. Nachdem sie sterben. Et ils ne savent pas que le ciel commence déjà ici sur terre et passe après la mort. The family you are not one with right now, you can never be one when you die. Die Familie, mit der du jetzt nicht eins bist. You have opportunity to go to a living church and you are not one with them. Then, believe you me, you will not smell that heaven that you plan, that you are even believing you are going to make. Mm-hmm. Because the family that are here, the chain you are going to find there. Die Familie, vor der du jetzt heute flüchtest, die Familie von Christus, die du jetzt heute meidest, wenn du sie heute hier meidest, dann wirst du auch dort, wenn es dann soweit ist, nicht mit ihnen eins sein können und nicht eins sein dürfen, wie du es dir eigentlich so erhofft hast. Weil wenn du hier nicht diese Gemeinschaft suchst, weshalb suchst du sie dann, wenn es dann darauf ankommt, da oben? Et la famille avec la famille laquelle tu évites ça sera aussi la famille en Christ au ciel après, mais le problème est toujours que les gens croient qu'ils peuvent pas, que ce n'est pas grave de ne pas être un avec les enfants de Dieu ici sur terre, mais ils veulent être un avec eux au ciel. Ce n'est pas possible parce que tu ne vas pas voir cette famille au ciel. You know, if you cannot be one with God's children here, are you sure you will be one with them later? Wenn du nicht eins sein kannst mit ihnen, wie willst du sicher sein, dass du dann eins bist mit ihnen im Himmel? Si tu ne peux pas être un avec la famille du Christ ici sur terre, comment tu peux être un avec eux aux cieux? Are you getting it? Mm-hmm. If you see Paul, Peter, they were all one together, and they are still together today. Paulus, Petrus, Andi, sie waren damals eins. Sie waren hier auf Erden eins, aber auch im Himmel sind sie jetzt eins für immer. Par exemple, Paul et Pierre, ils ont toujours été un ici sur terre, et même maintenant aux cieux, ils sont toujours un. Amen. Amen. You know, Lot and the family. Lot and the family. Amen. Lot et la famille, par exemple. Oh, you know, that of act of Noah. You know, Noah and the family, they were one together. Noah and you know, when the other side, they were also one together. Mm. It's all about the family of Christ. Here, from here, today. If you are not one here, you can never be one when you get there. Mm. Noah's family, they were before the Arche. Eins, und auch in der Arche waren sie dann eins. Sie waren nicht gespalten vorher und dann in der Arche waren sie dann eins. Wenn du vorher nicht eins sein kannst, wirst du auch nachher nicht eins sein können mit der Familie von Christus. Et même dans l'histoire de l'arc de Noé, par exemple, la famille de Noé, ils ont toujours été un avant et même dans l'arc, et ils sont même un jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça pourquoi si tu n'es pas capable d'être un avec la famille de Christ maintenant, ici sur terre, tu ne vas pas être aussi un avec eux aux cieux. If you are not one with us now, how can you be one with us later? Wenn du jetzt nicht eins bist mit uns, kannst du dann später sein. Et si tu n'es pas un avec nous maintenant, comment tu vas être un avec nous après? No wonder he said. I wonder, it's not coming, Jesus. Geht nicht um Jesus. Amen. He said, on that day, he will say, get away, you workers of iniquity. Er wird sagen, weiche von mir, ihr Gesetzlosen, ihr Übeltäter. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ nous dit que même si tu appelles Jésus-Christ Seigneur, il va te dire, oui, arrière de moi, toi, la personne qui commet le mauvais. Amen. Again, Hebrews 10, verse 25. Christ is saying, a tree cannot make a forest. Jesus sagt dort, ein Wald besteht nicht nur aus einem Baum. Et puis, Jésus-Christ nous dit qu'une forêt n'existe pas seulement d'un seul arbre. Amen. Amen. In Hebrews 10, verse 25, he says we need one another. Und in Hebräer sagt wir brauchen einander. Et Hebrew nous dit que nous avons besoin de l'un et l'autre. So see everywhere in the Bible, they are saying we need one another. Wenn wir das lesen, in der Bibel sehen wir, dass es immer darum geht, dass wir einander in Christus brauchen. Et même dans la Bible, on peut voir que nous avons toujours besoin de l'un et l'autre. You know, before Jesus left, it was almost becoming a music for him. For Jesus gegangen, there for one another. Hat es immer wieder gesagt, seid da füreinander, seid eins. Et même avant que Jésus-Christ avait quitté ce monde, il avait toujours dit, soyez un avec l'un et l'autre. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 10, verse 24 to 27, you see, it's all about one another. Then Ephesians 4, verse 2, is for bearing one another in love. Philippians 2, verse 3 and 4, we don't have time to go through. Amen. To see us, Romans 12 also. There are so many. It's all about one another. Et dans 1 Corinthiens, on peut voir comment il s'agit de la relation des enfants de Dieu. Même dans Éphésiens, on a écrit aussi qu'on doit se supporter l'un et l'autre. Donc, il s'agit toujours de la relation entre les enfants de Dieu et, Jésus-Christ. Amen. Amen. All these are not talking about the natural family, the Christ family. Es geht nicht um die natürliche Familie, mit der man eins sein soll, sondern um die Familie von Christus Jesus, mit der man eins sein soll. Et là, il ne s'agit pas de la famille charnelle avec laquelle on doit être un, mais il s'agit seulement de la famille de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. For certain, the assembly of believers is talking about a living church, and not a dead church. Die Treffen der Gläubigen, danke. Die Treffen der Gläubigen nicht zu versäumen, da geht es um die Treffen der lebendigen Gemeinde, der haftigen Gemeinde, wahrhaftigen Kinder Gottes nicht zu versäumen. Et quand Jésus-Christ nous dit qu'on ne doit pas abandonner l'assemblée des enfants de Dieu, mais de l'église, il ne s'agit pas des églises religieuses, mais seulement des églises vivantes. Our religious churches are dead churches. Alle religiösen Gemeinden sind tote Gemeinden. Parce qu'une église religieuse et une église morte. It is better you are alone than being one with them because of their seeds. Wegen ihren Samen. Il vaut mieux être toute seule que être un avec une église vivante à cause d'une église religieuse à cause de leurs semences. They will plant evil seed into your heart. Sie werden böse Samen in dein Herz pflanzen. Parce qu'ils vont s'aimer des mauvais grains dans ton cœur. You know they have their own disciples, they have their own followers, they have their own people. If you go to Matthew 9, let's go to Matthew 9. Matthäus 9. Matthieu 9 nous montre qu'ils ont aussi leur propre disciples, leur propre vérité, leur propre tout. Verse 14. Verse 14. Matthieu 9, verset 14. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Matthieu 9, verse 14. Matthieu 9, verse 14. Matthieu 9, verset 14. You see this? They all have their own disciples. Sie haben alle ihre eigenen Jünger. Sie haben tous leurs propres disciples. Satan has his own disciples. Der Satan hat seine eigenen Jünger. Et même le diable a ses propres disciples. Have a lot of followers. Er hat viele Nachfolger überall. Il a partout des disciples partout.